imaginé. Moi-même avec vous, Josie chérie, on t'a marié. Ou t'es gain 12 ans, t'es gain 15 ans, le nom te remet. Zami ni parents, t'es toujours quoi que c'est jeu d'enfant. Chaque jour soleil levé, soleil couché, la nuit tombée, les étoiles brillées, affection nous, à poulet douce, d'un coup de l'eau source. Ça qui content est content, ça qui mauvais est mauvais, nous-mêmes nous pas ouais, nous pas tendez, la pédale. Ça qui content est content, ça qui mauvais est mauvais, nous-mêmes nous pas ouais. Non pas tendé, la pédale. Moi-même avec vous, Josie chérie, on t'a marié. Ou t'es gain 12 ans, t'es gain 15 ans, là nous te remets. Zami ni parents, t'es toujours quoi que c'est jeu d'enfant. Chaque jour soleil levé, soleil couché, la nuit tombée, les étoiles brillaient, affection nous. A poulet douce d'un coup de l'eau source. Ça qui content est content, ça qui mauvais est mauvais, nous même nous pas ouais, nous pas tendez, n'a pédalé. Ça qui content est content, ça qui mauvais est mauvais, nous même nous pas ouais, nous pas tendez, n'a pédalé. Pédalé, nous pédalé. Jusqu'à ce que nous arrivions, nous marions, nous pédalons. Jusqu'à ce que nous arrivions, nous marions, nous faisons 11 ans remède. Nous gagnons 9 ans mariés. Ça fait 20 ans depuis d'amour chéri, n'a fêté. Nous faisons 11 ans remède. Nous gagnons 9 ans mariés. Ça fait 20 ans depuis d'amour chéri, n'a fêté. Nous faisons 11 ans remède. Nous gagnons 9 ans mariés, ça fait 20 ans depuis d'amour chéri, n'a fêté. Thank you. demain la va plus belle encore. Hier nous t'es rose, je dis à nous plus rose. Demain la va plus rose encore. Hier nous t'es rose, je dis à nous plus rose. Demain la va plus rose encore. Ça fait 20 ans depuis d'amour chéri, n'a fêté, nous fait 11 ans.